le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonjour à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine et dans cette nouvelle émission du podcast du Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission et pour m'accompagner ce soir. Il a annoncé déjà sur le blog de retour le président du Fan Club. Bonsoir président. Salut Cédric, salut à toutes, salut à tous. Let's go Pats. Et pour nous accompagner également ce soir, un petit nouveau, il s'occupe du site Boston Actu. Il poste de temps en temps des articles sur le forum du Fan Club. J'ai nommé Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous allons évidemment revenir sur le match des New England Patriots face aux Houston Texans. Nous parlerons d'abord de l'efficacité de cette attaque des New England Patriots où nous allons essayer de décortiquer le jeu qui a été mis en place par Bill et par Josh McDaniels. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de cette défense des New England Patriots qui a maintenu à 0 points les Texans. Nous parlerons aussi rapidement de la Special Team. Ensuite, nous irons un peu plus loin où nous essaierons de juger le niveau de ces New England Patriots après 3 matchs et donc ce score de 3-0. Et enfin, nous terminerons l'émission par la preview du match de la semaine prochaine, le match face aux Bills. Il me reste en tout cas à vous souhaiter une bonne émission. Le Fan Club français des New England Patriots, épisode 17, c'est parti. C'est le score de ce Thursday Night Football, de la victoire des New England Patriots face aux Houston Texans. Alors, avant de rentrer de plus en détail dans ce match et demander notre avis à mes invités, un petit coup d'œil sur les statistiques. Au niveau des yards, chaque équipe finit avec 284 yards. Au niveau des stats individuelles, Jacoby Brissett finit avec un 11 sur 19, 103 yards. De l'autre côté, Brock Osweiler, 24-41, 196 et une interception. Au niveau du rushing, LeGarrette Blount avec 24 portées, 105 yards de TD. A noter aussi la performance de Jacoby Brissett pour lui, avec 8 portées, 48 yards et un TD. De l'autre côté, Lamar Miller finit avec 21 portées, 80 yards. Et au niveau des réceptions, Edelman finit avec 4 réceptions et 38 yards. Et DeAndre Hopkins finit avec 4 réceptions pour 56 yards. Alors messieurs, on va commencer. Honneur au petit nouveau par Nico. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Franchement, très bon. Dans le global, c'était vraiment très bon. La défense a été très puissante et très forte face évidemment à une équipe assez faible des Texans. Et pour ce qui est de l'attaque, j'ai trouvé que Brissett était assez serein pour un premier match. Évidemment, Blount, comme d'habitude depuis l'absence de Brady, vraiment très fort et il a vraiment porté l'attaque. Alors, et président, tu as gardé la primeur pour le podcast. Pour le podcast, on t'a remercié de ne pas avoir fait ton analyse sur le blog. Alors, qu'as-tu pensé de ce Thursday Night? Écoute, c'est un match qui m'a énormément surpris parce que même si c'était pas moi qui avais fait la prévision de cette semaine, j'avais laissé l'opportunité à quelques membres du staff de le faire, et là cette fois-ci c'était Régis, le 12th man qui l'a rédigé. J'étais assez d'accord avec ce qu'il avait dit et je prévoyais moi aussi, même si je ne l'avais pas donc écrit, je prévoyais une défaite des Patriots. Donc j'étais extrêmement heureux et surpris de cette victoire, et moi ce que je retiens, c'est qu'encore une fois, notre Bill, notre monstrueux Bill, notre énorme Bill Belichick nous a régalé, quoi. C'était juste fabuleux. Il a gagné pour moi tactiquement cette partie. Alors, on va rentrer dans l'analyse de ce match. Et évidemment, le premier regard qu'on va jeter, c'est sur ce poste de quarterback et le premier match de Jacoby Brissett. On rappelle pour la petite histoire, Brady qui est suspendu, Jimmy Garoppolo qui est blessé. Et donc, c'est le QB rookie qui a débuté, Jacoby Brissett, qui a fait, je vais vous poser, messieurs, hein, vous allez me donner votre avis sur la performance de ce QB, mais qui a été plutôt correct, qui a été serein, qui n'a pas forcé ses passes, qui a fait des passes courtes et qui a su aussi courir et notamment un super beau TD à la course. Alors, président, qu'as-tu pensé de ce QB rookie ? Toi qui disais que c'était un QB qui n'avait pas forcément le niveau, eh bien, il a été plutôt surprenant. Alors, moi, je t'avoue que je suis par contre pas surpris de la manière comment Bill a utilisé ce QB, puisqu'il lui a fait faire exactement ce qu'il sait faire. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est une victoire de Bill tactique. C'est-à-dire que oui, Brissett a vraiment bien joué. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeune QB. Mais il a surtout super bien exécuté ce que Bill et son staff offensif avaient décidé de faire. Il a vraiment été très bon dans ce qu'il devait faire et il s'est très bien exécuté. 11 sur 19, c'est très bon. Des passes, comme tu as dit, assez courtes, mais la plupart du temps réussi. Il finit avec 103 yards, bon, ce qui est pas énorme, mais bon, ce qui compte, c'est qu'il finit avec 48 yards à la course, parce que pour un QB mobile, c'est quand même intéressant. Et puis, moi, je trouve qu'il a réussi des choses intéressantes à certains moments du match qui montraient qu'il avait confiance et surtout que l'équipe avait confiance en lui. Donc, très belle prestation de Brissett et très agréable à voir jouer. Alors, Nico, quel est ton côté ? Ton avis sur cette performance de ce jeune QB ? Bah, je rejoins le président. Franchement, je l'ai trouvé bon, pas exceptionnel évidemment, c'est son premier match donc c'est pas étonnant, mais il a vraiment été bon. Comme vous l'avez dit, niveau des courses, c'est surtout ça qui m'a plu chez lui, très mobile. Il a pas de mal à trouver les bons espaces pour aller chercher des yards. Comme je l'ai noté, il a fait en moyenne 6 yards par course, ce qui est une bonne moyenne pour un quarterback. Et surtout son touchdown de 27 yards où il va vraiment le chercher et je l'ai trouvé vraiment bon là-dedans. Évidemment, c'est un premier match, donc il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais je trouve qu'il s'est très bien adapté aussi au système de Bill. Et il a à chaque fois été trouvé des bonnes passes, un bon taux de réussite. Et je l'ai vraiment trouvé bon dans son ensemble. Et c'est vraiment encourageant pour la suite, pour un premier match comme ça, quand tu es lancé en tant que troisième quarterback. Parce qu'au début de l'année, on n'aurait pas cru qu'il allait jouer un seul match de la saison. Mais il a vraiment, vraiment été serein et très bon. Et le gros point positif, je le répète, c'est vraiment sa mobilité et la façon d'aller chercher les yards à la course où il est vraiment, vraiment très bon. Oui, il faut mettre en avant, surtout aussi, bah, comme vous l'avez dit, déjà, Bill aussi et Josh McDaniel, qu'on ne souligne pas assez, qui ont mis vraiment ce QB dans les meilleures dispositions, qui ont joué sur ses qualités, qui ne lui ont pas demandé d'aller chercher 25 passes ou 30 passes, juste fait le minimum, jouer à la course, ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. On a vu qu'il était extrêmement mobile. Tactiquement, c'était propre. On a joué des read options. Ça a vraiment été quelque chose de très performant. Au final, il a été même serein dans sa poche, dû à sa mobilité. De ce côté-là, c'est... Alors, dû à sa mobilité, pas que, il a eu une ligne offensive devant lui qui a fait un travail de dingue dans ce match. Exactement. Bah, j'imagine qu'on va en parler, mais exactement, on peut pas évoquer le match de Brissett sans parler de la ligne offensive devant lui. Exactement, justement, j'allais y venir. Excuse-moi, c'est... je t'ai fait une robe. Parfait, non, superbe transition, justement, j'allais y venir. La ligne offensive, eh bien messieurs, cette ligne offensive, eh bien elle a fait un sacré match. Et que ça soit ceux qui ont l'habitude d'être performants, Tuni, le rookie qui a un niveau... un des meilleurs gardes qui devient un des meilleurs gardes de la NFL, Marcus Cannon. Romain, si tu nous écoutes, Marcus Cannon a fait un bon match, a concédé qu'un seul tack face à JJ Watt, et ouais, Marcus Cannon est capable de faire un bon match. Ah non, mais ça c'est à souligner et à dédicacer à Romain, justement. On y reviendra en tout cas aussi sur la ligne offensive, qui a été déjà performante le match précédent, notamment sur le jeu de course. Mais là, surtout aussi sur le jeu de passe et sur le pass rush des Texans, il a été extrêmement performant. Nico, ton avis sur cette ligne offensive ? Vraiment très bon. Comme vous l'avez dit, Marcus Cannon a montré beaucoup de bonnes choses, sur ce match-ci en tout cas. Je trouve qu'il a bien contrôlé JJ Watt quand il l'a eu en charge, évidemment. Et moi, je trouve que la ligne offensive, par rapport à ce qu'on aurait pu dire en début de saison, elle m'a beaucoup rassuré sur les trois matchs, et ici face aux Texans en particulier. Maintenant, moi, j'attends, avant vraiment de me prononcer, qu'on affronte par exemple les Seahawks, où ça risque de ne pas être facile. Maintenant, sur ces trois premiers matchs et ici face aux Texans, ça a vraiment été très bon. Et c'est rassurant par rapport à ce qu'on aurait pu penser au début de saison, où il y avait beaucoup d'interrogations à ce poste, notamment avec le rookie Tony et avec Marcus Cannon. Oui, non, mais puis même Andrews qui est au centre, qui, avec le départ de Stoke, et il a quand même su s'adapter, ils ont été tous performants, et même notamment au niveau de cette ligne offensive sur le jeu de course, qui a énormément encore aussi aidé. Je sais pas ce que t'en penses, Président, mais le retour de Skarnecki a fait énormément de bien, et cette ligne offensive montre de vrais signes de progrès. Tout à fait. Et on comprend maintenant, au-delà des problèmes de tempérament et de comportement de Stork, pourquoi Bill et son staff se sont séparés de lui. C'est-à-dire que derrière, il y a du monde. Et franchement, ça joue super bien. Alors, par contre, pour moi, on ne peut pas parler de la ligne offensive sans parler de mon pote Dante Scarnecchia. Il est de retour dans l'équipe. Voilà le résultat. La ligne offensive est monstrueuse. Ah oui, elle est très intéressante, monstrueuse. Elle montre des signes de progrès. Pour moi, avec des nouveaux joueurs comme il y a, avec des départs aussi importants qu'il y a eu, c'est monstrueux. Après, oui. Quand je dis monstrueux, j'exagère. Je veux pas dire que c'est monstrueux par rapport à la NFL. Il y a bien sûr meilleur et il y a de gros progrès à faire. Mais franchement, au bout de trois matchs, voir ça, moi je trouve ça monstrueux. Donc c'est pas la ligne offensive qui est monstrueuse, c'est le travail qui a été effectué en amont. Ah oui, non, mais c'est sûr que le travail effectué par Skarnecchia est vraiment important et on le sent. Hein. Et on le sent très bien. Et il faut aussi signaler une chose. On parlait tout à l'heure de Brissett. Nico, il disait qu'on n'aurait jamais cru qu'il jouerait un match, et ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans l'épisode de Stork, a priori, il se fait un peu dégager puisqu'il a une mauvaise attitude. Il faut savoir que Brissett, il est drafté par les Patriots, donc cette année, troisième tour, je crois, notamment pour son tempérament qui est très positif. C'est quelqu'un qui est apprécié des joueurs, qui est plutôt dans le positif, donc qui n'est pas un mec qui amène un mauvais état d'esprit, etc. Donc il joue ce match, l'équipe lui fait confiance, c'est vu sur le terrain. Lui a confiance en son équipe, donc il fait des exploits avec cette course fabuleuse. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans la ligne offensive, il y a un joueur, Tunay, qui est de la même université que lui. Voilà, qui est de North Carolina State. Et donc, c'est des joueurs qui viennent de la même université, qui se retrouvent tous les deux en universitaire, donc qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et je ne sais pas si vous avez vu le match qu'a fait Tunay. Il est excellent. Ah, il était excellent, voilà. Donc là, alors, je vais pas dire monstrueux, parce qu'après, Cédric va m'en reprendre. tout de suite. Mais pour moi, le duo Brissett-Tunay a été monstrueux. Et oui, ça s'est vu qu'ils ont joué ensemble. Voilà, ça se voyait, il y avait des automatismes. Les mecs, ils sont rookies, enfin rookies ou presque. Non, rookies tous les deux. Rookies tous les deux, bien sûr. C'est ça, rookies tous les deux. Et ils sortent un match en NFL contre une défense en face, qui est rodé, qui joue ensemble depuis des années, face à Will Fork, quoi. Donc, moi, je trouve ça monstrueux, en fait. J'ai vraiment été hyper emballé et hyper content. Oui, mais c'est clair que cette ligne offensive fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Tiens, une petite stat par rapport, on parlait de JJ Watt et de le fait de l'avoir retenu. Il met 76 sacks en 79 matchs de NFL face aux Patriots. Il en a mis aucun en 4 matchs. Donc il faut aussi souligner Skarnecchia et le travail de Bill, de savoir aussi freiner JJ Watt. Tout à fait, avec Cannon. Et avec Cannon d'autant plus. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça il faut le souligner, tout ça c'est impressionnant. Et je parlais de Tunay, je l'ai vraiment trouvé excellent. J'ai trouvé Andrews très bon aussi. Quoi. Ah oui, je sais pas ce que t'en penses toi, Nico, mais c'est vrai que, enfin, la ligne offensive, Tunay, ce que je disais, c'est devient déjà, au bout de son troisième match, un garde top NFL. Et puis Andrews, on l'avait déjà vu, Andrews, il avait déjà montré des signes la saison dernière sur les 6 premiers matchs, extrêmement intéressants. Il s'est fait sortir du roster, on ne sait trop pourquoi. Parce qu'il avait fait un mauvais match, certes, contre les Bills, et depuis, il avait un peu disparu, Stork était revenu. Mais au final, Andrews, il commence à petit à petit confirmer ce qu'on avait vu la saison dernière. Il a peut-être un peu moins de pression. Hein. S'il sait que Stork n'est plus là, c'est lui qui a le poste, il est en confiance, ça se passe bien. C'est C'est possible, hein. Après, c'est des suppositions, mais je pense que ça doit jouer. Je sais pas ce que... Oui, c'est sûr. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Nico. Il y en a pas eu vraiment... Oh, vas-y, pardon, vas-y. Excuse-moi. Il n'y en a pas eu un qui a été en dessous, vraiment. Ils ont vraiment tous été à super bon niveau. Et quand on fait le parallèle entre la finale de l'AFC, où c'est en grande partie pour moi la ligne offensive qui nous a coûté le match, et entre ce début de saison, on voit que Skarnecka est de retour. Et c'est vraiment encourageant pour la suite. Ouais, je pense aussi que c'est peut-être un des renforts dont on a le moins parlé, mais qui est peut-être le plus important. Oui, il a réussi à remettre un peu de l'ordre dans cette ligne offensive. Faire travailler les joueurs dans le bon sens, tant mieux, et ça fait du bien. Et aussi, et finalement, ce qui produit, et ça va continuer de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant les Patriots ont enfin un jeu de course. Et oui, et la Garrett Blunt devient performant, parce que la Garrett Blunt, même si c'est un excellent joueur, sans ligne offensive, il n'était rien. Il ne courait très peu, il faisait peu de yards, et là, il a encore sorti un gros match. Enfin, on fait appel à lui, et il est performant, parce que la ligne offensive est performante. Mais la Garrett Blunt, eh ben, il fait plaisir pendant ce match. Ouais, vraiment, il a vraiment été... Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Quand tu vois ses stats sur le début de saison, il est en tête des running backs au nombre de yards parcourus. Et il a vraiment été très bon dans sa façon d'éviter les plaquages. Quand on voit le touchdown de 41 yards qu'il a inscrit, il évite plusieurs plaquages et c'est, comme l'expression le dit, c'est blunt force trauma. C'est vraiment, il n'hésite pas à péter dedans et il passe parce qu'il a cette force physique que beaucoup de défenseurs n'arrivent pas à stopper. Et il me rappelle, c'est peut-être une grosse comparaison et un peu hâtive, mais il me rappelle quand même Marshawn Lynch dans ses meilleures années. Et je trouve que c'est le gros point fort de l'attaque en l'absence de Brady, parce qu'il a vraiment pris l'attaque sur ses épaules avec Garoppolo les deux premiers matchs. Enfin, un match et demi avec la mi-temps où il a été blessé. Mais c'est vraiment lui, il a été là quand on lui demandait d'être là. Avant, il pouvait encore se laisser un peu aller dans le sens où Brady assurait. Mais là, quand on lui a vraiment demandé de là et quand on avait vraiment besoin d'être de lui, il a été là et il fait des grosses performances ce début de saison. Il est vraiment impressionnant. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico. Et je vais même rebondir sur ce que tu dis. C'est Blount, pour moi, c'est un joueur qui est mal aimé. C'est-à-dire, je m'explique. Tu vas au Gillette Stadium, tu vois des maillots de Brady, tu vois des maillots d'Edelman, tu vois des maillots d'Amendola, tu vois pas de maillot de Blunt. Or, on a un joueur, un running back qui est juste énorme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est capable, si on fait appel à lui, de porter un match. C'est quand même arrivé l'an dernier aussi, ou il y a 2 ans, où il nous en a sorti des vraiment énormes. Il a 29 ans. 7e saison NFL, donc il a de l'expérience et il est capable de nous sauver et de nous sortir de grosses, à mon avis, de situations défavorables. Si on fait un peu plus appel à lui et si on joue peut-être un peu moins par les airs, c'est pas pour rien que c'est dans ce match qui dépasse les 100 yards. C'est un match où il n'y a pas Garoppolo, où il n'y a pas Tom Brady. Donc pour moi, le schéma était vachement plus ancré au sol. Il savait qu'il fallait être là, il a répondu présent. Par contre, on parlait de la ligne offensive tout à l'heure. On peut là non plus pas parler de Blount sans parler de la ligne offensive, mais non plus pas parler de Blount sans parler de Devlin. Il y a un retour hyper important cette année. Ah oui. On parlait de Skarnecka tout à l'heure, mais on rajoute aussi Devlin. Skarnecka, Devlin, c'est des apports monstrueux dans l'attaque. Si on n'a pas eux dans ce match, je pense qu'on n'a pas le même match. Donc je suis très très fan finalement du duo Devlin-Blount qui fonctionne à merveille. Ah, c'est une certitude. Devlin nous a manqué beaucoup la saison dernière. Et là, cette année, Skarnecka qui est de retour pour la New... au niveau, qui est quand même un coach plus axé sur le run, il est présent. Devlin qui est de retour. La Garrett Blunt et qui retrouve aussi un peu de performance parce que le nombre de yards qu'il parcourt après contact sont aussi très impressionnants. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est là aussi, c'est très très impressionnant au niveau de la Garrett Blunt. Donc c'est quelque chose qui est vraiment satisfaisant. On verra la semaine prochaine ce que ça va donner au niveau des Bills, mais j'attends aussi de voir comment tout cela va se comporter avec le retour de Tom. Parce que là aussi, le jeu va changer. Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Est-ce qu'on va... Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'enfin on aura cette alternance qu'on demande tant? Est-ce qu'on l'aura? Je vote pour. Ah, pétard, oui, alors, c'est le plus dur pour moi en foot américain et en coaching d'avoir cette variété de jeux entre le sol et les airs. Et c'est vrai qu'avec Tom, moi j'ai super peur que finalement, vous allez être surpris, mais à mon avis, vous allez me comprendre, qu'on retombe dans un stéréotype de passe et que finalement, les performances qu'on a pu avoir de Blount disparaissent et que ce soit la première et dernière. Donc ça serait trop triste, il ne faut pas en arriver là. Ah, mais moi j'en suis certain. Enfin, c'est certain, non. Mais je pense que ça peut vraiment arriver. Tom revient, on va reforcer la passe, ou lui-même va reforcer des passes, parce que justement, il veut peut-être rassurer un tout petit peu son autorité, dire voilà, je suis le patron, Jimmy a été performant, Jacoby a été performant, tout le monde a été performant, et il va falloir que je le sois aussi. Attention, et c'est là où le coaching va devoir être hyper important, c'est là où il va falloir continuer à travailler sur nos points forts depuis le début de saison, et justement, notamment, bah, évidemment, sur le jeu de course, et pas réaxer trop sur le jeu de passe, continuer à justement créer cette confiance au niveau de la ligne offensive, au niveau de la Garrett Blount aussi. Notre chance, c'est qu'en vieillissant, Brady, il a compris ça et il va moins forcer ses passes qu'il y a 3-4 ans pour moi. Je pense, l'an dernier, il m'a vraiment plu à ce niveau-là, j'ai trouvé qu'il l'a moins fait et je pense que le staff en est conscient aussi. Le fait qu'il n'ait pas joué les trois premières parties, les trois premières rencontres, va faire qu'à mon avis, il ne va pas vouloir forcer les passes, il va vouloir assurer, se remettre doucement dans le bain. Et moi, je ne pense pas qu'il va y avoir ce scénario-là. Je pense qu'il va y aller tranquille au début. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nico, peut-être. Je ne suis pas certain. Pour moi, le premier match, le moment où Brady va revenir, il va jouer contre les Browns, qui, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est la pire équipe de la NFL pour le moment, en tout cas. Depuis 30 ans, oui. Mais... Voilà, c'est ça. Mais et je pense qu'il va justement profiter pour essayer de se remettre dans le rythme et de retrouver son jeu de passe. Maintenant, sur la durée, je pense sincèrement que si on travaille bien, je pense qu'on va pouvoir arriver à un jeu d'alternance entre la course et la passe. Et que Brady va accepter de faire ça si ça peut lui permettre, évidemment, de gagner plus de yards, mais de se libérer d'une certaine pression à certains moments, ouais. En troisième tentative ou autre. Entièrement d'accord. Ouais. Non, mais c'est en tout cas l'attaque, on en a parlé, a plutôt de bon augure, a montré de belles choses. On verra bien ce que ça donne dans les prochaines saisons. Maintenant, on va passer d'ici quelques petits instants à la défense. On a parlé de l'attaque, maintenant place à la défense. Alors, avant de donner la parole à mes invités, vous savez, il y a des histoires d'amour qui se découvrent au fil du temps. On a parlé tout à l'heure de Romain et de Marcus Cadotte, et il y a aussi une autre grande histoire d'amour au sein de ce fan club. C'est le cher président et Logan Ryan. Ah oui. Alors, tu sais ce que je voudrais, c'est que quand tu fasses le montage de l'émission, tu nous mettes une petite musique romantique à ce moment-là. Écoute, je vais essayer d'en trouver une, voilà, et de faire ça bien. Oh là là là là, Logan, si tu m'entends. Alors Logan Ryan, il était sur DeAndre Hopkins. Hopkins, on l'a pas énormément vu. Alors président, à toi l'honneur, qu'as-tu pensé de match de ce joueur, pardon. Alors. On n'a pas beaucoup vu Hopkins. Donc Hopkins, il finit meilleur receveur en nombre de yards des Houston Texans. Oui, ce qui paraît plutôt logique. Bon. Mais pas que. Il finit au nombre de yards meilleur receveur de tout le match. Il finit avec 56 yards sur 4 réceptions. Et toi, tu oses me dire que Logan Ryan a fait un bon match. Je rejoins le président. Merci Nico, sur ce cas-là. Tu auras le droit de revenir à l'émission. Non, mais sur ce cas-là, je vais être attendu. Il y a un poste de présentateur du podcast qui va se libérer. Là. Je ne fais ça exprès pour te lancer. Soyons sérieux deux minutes. Tu as vu les... Moi, j'ai deux souvenirs d'Hopkins qui réceptionne sur la droite dans le premier carton, là, qui fait une réception, alors une très belle réception, et tu vois ce Logan Ryan complètement à la rue, Et j'ai le souvenir d'une deuxième passe complètement ratée, enfin complètement réussie, je veux dire, pour Osweiler. Et on voit Ryan, mais alors pour tout vous dire, quand je l'ai, parce que le match, donc je le regarde, mais après je le remate plusieurs fois, une fois ou deux derrière, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, je me suis fait, au moment de cette passe, un arrêt sur image où vous voyez Logan Ryan qui est par terre et j'ai ressenti, alors là tu vas peut-être parler de amour et de haine comme tu as fait dans l'introduction, j'ai senti de la peine pour ce Logan Ryan qui était par terre complètement à la ramasse. Alors moi ce que je vous propose avec cette photo, je vais faire une capture d'écran et je la mettrai sur mon blog parce qu'il faut, il faut avoir en tête à quel point Logan Ryan a été à la rue sur certaines réceptions de Hopkins. Totalement, vraiment, je l'ai trouvé... J'ai trouvé, mais oui, comme tu dis, à la rue, vraiment. On l'a peut-être pas remarqué plus que les autres matchs parce qu'ils n'ont mis aucun point et qu'ils n'ont pas su capitaliser sur les yards qu'ils ont gagnés. Tout à fait. Mais il a été, moi, je l'ai vraiment trouvé mauvais. Il est chaque fois en retard. Certes, il fait quelques bonnes actions sur le match, mais c'est pas suffisant face à des receveurs comme Hopkins. C'est exactement moi, ça, parce que tu as dit sur le retard, il est en retard. Il est en retard. Et comme tu viens de le dire, ça se voit pas forcément parce qu'Hopkins, il met pas de touchdown ou autre. Mais si tu fais l'analyse des 4 passes qu'Hopkins réussit, il y est pas, quoi. Il y est pas. Et c'est sur des passes qui font quand même 15 yards à chaque fois, quoi. C'est pas des passes de 4 yards. Donc, Oui, il a 14 yards de moyenne par réception. Voilà, ouais, c'est quand même, c'est pareil. Ben c'est pas rien, voilà, exactement. Alors, c'est pas 50 yards, mais finalement, moi, je préfère. Enfin, un receveur qui fait 4 fois 14 yards de réception, c'est quand même. On peut pas dire que c'est rien, quoi. Non. Moi, pour moi, Hopkins, on l'a vu, Cédric, et Logan Ryan, j'aurais aimé le voir plus, quoi. Et vous vous rappelez le tackle, non, ou l'interception de Collins. Mm-hmm. Quand Collins intercepte, donc d'ailleurs, superbe interception. Il intercepte, mais Ryan, sur cette action, essayez de l'analyser. Pour ceux qui nous écoutent, repassez-vous le passage de l'interception de Collins dans les highlights. D'ailleurs, j'ai posté le highlight aujourd'hui sur le blog. Dans le résumé du match, vous le voyez bien. Ryan, sur cette action, il est à la ramasse. Alors, ça finit par une interception de Collins. Bon, ça va, c'est pas grave, on s'en sort bien. Mais il y est pas. Donc non, moi je trouve que nos corners, dans l'ensemble, s'en sortent, mais Ryan, je ne le trouve pas au niveau, en tout cas espéré. Et je trouve que nos safety sont meilleurs que nos corners. Voilà ce que j'en pense. Oui. Ah oui, c'est une... T'as pour ça d'accord. Ah oui, non, mais c'est une certitude que... Je te disais pour taquiner, président, mais c'est sûr que Logan Ryan est fait du Logan Ryan, c'est-à-dire qu'il a son niveau et que, bah, qu'il n'est pas au niveau, tout simplement. Hein. On ne va pas chercher midi à 14h. Mais je suis sûr que ce mec est talentueux. C'est-à-dire que oui, ça peut vous paraître dingue que je dise ça, parce que bon, je m'acharne un peu. Mais non, mais je le reste quand même à un moment donné, il faut être un petit peu objectif. Ce mec a du talent, mais il est capable de se trouer totalement plusieurs fois par match, et ça, c'est trop dangereux, quoi. À ce niveau-là, ça pardonne pas, et moi, pour moi, c'est un CB qui est trop dangereux à avoir dans une équipe. Non, mais ouais. si Bill et Matt Patricia le mettent sur les meilleurs receveurs, c'est qu'il a quand même un minimum de talent. On n'est pas, je pense pas qu'il soit à un tel point suicidaire qu'il mette un connard qui n'a pas de talent sur les... Et qui tu mets à la place. C'est ça. Voilà, c'est ça, regarde, fais la liste des Pats à ce poste-là. Tu vas t'apercevoir qu'on n'a pas grand monde, quoi. Ah oui, cette saison, on n'a pas grand monde. Alors, Sirius Jones qui arrive, mais il vient d'être drafté, donc on ne peut pas le mettre maintenant. Mais dans 2 ans, dis-toi que Ryan, il n'y est plus, quoi. Oh, mais je pense que peut-être même d'ici la fin de la saison, il n'y est plus, hein. Ça fait 3 saisons qu'on dit ça, il est toujours là. Oui, mais Edgar, à la différence... Oui, on a Sirius Jones qui peut être un rookie, donc tu peux difficilement le faire jouer. Sauf que je te rappelle qu'on a drafté un corner, un tradé, un corner, qui est là pour moi est blessé. Oui, mais il est blessé. On espère beaucoup. Eric Rowe, ouais. On espère que normalement c'est lui qui doit venir, qui est joueur un peu plus physique, qui doit venir. En tout cas, c'est lui qui doit venir titiller Logan Ryan. Ah, mais c'est une certitude. Au poste de titulaire, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas Justin Conan. Hein. Ça, ah, c'est non. Une certitude. Ça, c'est sûr. Mais qui a du mérite, Coleman, qui a du mérite pour l'instant. Oui, qui a du mérite, mais qui il est... Il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Non, voilà, il n'a pas le niveau. Il fait ce qu'il peut, mais il arrive à un plafond. C'est ça. Et quand tu dis avec que Ryan, il prend les meilleurs receveurs adverses, enfin, Colmé là-dessus, mais quand tu analyses les matchs, chaque fois, il se fait manger, il éprouve des énormes difficultés. Butler essaie de le couvrir comme il le peut. Lui, il y arrive, mais Ryan est complètement ailleurs. Et pour moi... Tu disais que Rowe pourrait prendre la place, je suis d'accord. Mais moi, j'ai fort confiance en Cyrus Jones pour l'avenir. J'aime aussi bien Crevon Leblanc, mais quand même plus Cyrus Jones. Cyrus Jones, je l'avais vu, je l'ai vu quelques matchs à Alabama. Et il m'avait bien tapé dans l'œil. Quand on l'avait drafté, j'avais fait une petite analyse sur le blog. Et c'est un joueur que j'aimais beaucoup en université, qui je pense pourra être bon à NFL. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, de passer de la NCAA à la NFL. Surtout à ce poste, c'est pas toujours facile. Je pense qu'il peut y arriver. Oui, bah, ce qui est un peu dommage, et là tu le précisais, mais moi ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est pourquoi on n'a pas gardé un Crevon Leblanc. Crevon Leblanc qu'on a waivé après la pré-saison et qui est parti chez les Bears. C'est vrai. Ça c'est un petit peu dommage, parce qu'il a été plutôt performant, et on a gardé Coleman par exemple, qui reste un point d'interrogation. Pourquoi lui on l'a gardé, bah. Je sais pas, je me suis posé la même question à l'époque. Ouais, c'est des points d'interrogation qui sont assez surprenants. Enfin, on n'est pas à l'intérieur de l'équipe, donc c'est difficile de savoir ce qui se passe. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé de l'interception. Tiens, président, avant de parler de Jamie Collins du front 7, j'aimerais t'entendre aussi sur Butler. Butler, qui a fait deux premiers matchs. Ah, difficile. Difficile, qui a été. Ouais, mais je. Là, il revient maintenant. Il va revenir, hein. Non, Butler, j'ai du mal à le critiquer. Alors, bien sûr qu'il est critiquable, il a fait deux mauvais matchs d'entrée de saison. C'est un joueur qui est très jeune. Qu'on n'espérait pas à ce niveau-là, qui s'est quand même découvert lors d'une soirée assez mémorable, je ne sais pas si tu te souviens. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ouais, c'est... ça me semble fou. Moi aussi, c'est... Non, là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Chien. Bon, écoutez, alors si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez l'action sur le receveur lors de ce match contre Houston. Le receveur, je crois que c'est Fuller. Sur la quatrième tentative et quelques des Houston à la fin, il fait quasi la même interception. Alors, c'est pas une interception, il détourne la balle, mais c'est la même action que le Super Bowl. Ah oui, non, mais c'est... Mais il est beau. C'est-à-dire qu'au Super Bowl, il a intercepté, là, il n'a pas intercepté, mais sur une quatrième et quatre, Houston, il tente la même action que Seattle lors du Super Bowl, et qui c'est qui jaillit? C'est Butler. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que ce mec, il y a une tactique qui gère totalement, quoi. C'est sur ce schéma de tactique. Il coupe très bien les passes. Oui, c'est ça. Carrément. Mais moi, ce que j'ai avec Butler, je trouve, il est plutôt bon. Mais je suis frustré par ce joueur. Il est bon. Et c'est parce que tu aimerais qu'il soit meilleur. Il est bon. Il est présent sur l'homme. Et il lui manque qu'une chose. Qu'il intercepte les ballons. Il est toujours en train de les dévier et tout. Faire le lien avec Ryan. Il lui manque le talent de Ryan. Et Ryan, il lui manque la niaque de Butler. Possible. Ouais, c'est vrai. C'est possible. C'est vraiment ça. Et donc, Butler, j'ai du mal à le critiquer parce que s'il manque du talent, ben le pauvre, il ne fait pas exprès, tu vois. Alors que Ryan, il est une espèce de nonchalance, il m'énerve, tu vois. J'ai envie qu'il se bouge un petit peu plus et pour qu'il devienne enfin le joueur qu'on espère. Ah, ça m'étonne qu'il est encore là, d'ailleurs. Oui, moi aussi. Bon, ça sera peut-être la dernière saison, enfin. On ne sait pas ce qui se passera, mais ça sera peut-être... On avait dit la même l'an dernier. Oui, à la différence, je crois que c'est la dernière de son contrat, non? Peut-être de Ryan. Avec le nombre de renouvellements qu'il y a. Alors après, s'il accepte de revenir à bas salaire, malheureusement, on peut le revoir. Et c'est ça, mais bien sûr. Enfin, on n'en est pas là, on va pas parler déjà de la fin de la saison. On en est qu'au troisième match de la saison. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Alors, on en a parlé, on a glissé un tout petit mot. Un énorme joueur aussi qui a été performant face aux Texans, c'est encore Jamie Collins. Quel début de saison il nous fait! Il est l'un des meilleurs linebackers de la NFL par ses interceptions, par ses plaquages, par son placement. Bah, que dire, c'est un tout bon. C'est un tout bon, et puis il va falloir le mettre la max quand il faudra le renouveler à la fin de la saison. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Ouais, vraiment, excellent. Quand on voit l'interception qu'il fait sur la passe d'Osweiler, il coupe vraiment parfaitement la passe du QB des Texans. Et il a vraiment une super bonne lecture du jeu. C'est ça qui m'impressionne le plus avec lui. C'est qu'il voit vraiment... il a une lecture globale. C'est-à-dire qu'il va voir la balle, mais il va voir aussi le déplacement des autres joueurs. Et il va toujours parfaitement se positionner. Face à Houston, il a été très impressionnant. Mais depuis le début de la saison, c'est comme ça. Et pour moi, c'est le MVP de la défense pour le moment. Avec Jabba Shields, qui est aussi excellent. Mais pour moi, c'est quand même Collins qui est au-dessus pour le moment. C'est vrai que Sheard aussi est très bon. Ah oui, non, mais c'est que Sheard est très bon. Le front seven a été performant. Il n'y a pas encore grand-chose à dire. Collins, ce qui est impressionnant pour revenir à Collins, c'est que sa polyvalence. Le mec, il intercepte. Il tacle, vous savez, le tacle monstrueux qu'il fait sur Grimes, un truc énorme. Il est à tous les postes en même temps. Il y a toujours Collins qui traîne. C'est une polyvalence assez hallucinante. Moi, il me rappelle un de mes joueurs préférés, c'est Willie McGinest. Donc, il me fait penser un petit peu à lui dans l'idée de la polyvalence. Voilà, c'est un joueur qui sait tout faire et qui est hyper important dans une équipe. Et pour tout vous dire, vous savez que j'appelle mon chouchou Ninkovic. Le jour où Ninko se barre, c'est clair que c'est Collins, c'est le maillot de Collins que j'arborerai fièrement. J'adore ce joueur. Ah oui, pour le coup, c'est clair que Jimmy Collins. Très très plaisant. Ah oui, c'est sûr qu'il fait énormément de bien à cette défense. Et même le front seven qui a été encore. Notre ligne de devant qui a encore été très performant, enfin qui a été performant, qui montre des signes de progression et petit à petit ça commence à être plutôt intéressant. Avant de passer à la suite de l'émission, un mot parce qu'on n'en parle pas assez souvent de la Special Team. Parce que la Special Team face aux Texans, eh ben, elle a été plus que performante en créant de turnovers. Donc, Président, je ne sais pas si tu as envie de dire un mot sur la Special Team. À qui on rend pas assez hommage. Oui, bien sûr, mais alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas moi qui ai fait la prévision de ce match, mais avant de la préparer, je marque toujours de quelques petits bouts de papier où je marque selon moi qu'est-ce qui va être les clés du match, du prochain match. Et je m'étais marqué que je comptais vous écrire si je faisais la prévision, finalement c'est Régis qui l'a fait, que pour moi une des clés serait la Special Team. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, les Patriots ont mis l'accent au niveau de l'entraînement sur la Special Team et ils ont créé quelques nouveaux schémas tactiques qui ont l'air de fonctionner à merveille. Ils ont même des joueurs qui sont dans l'équipe et qui sont là que pour la Special Team. Alors on connaît Slater, on connaît Ebner, d'accord ? C'est des joueurs qui sont là quasiment que pour ça. Mais maintenant, il y a aussi Bolden. Rappelez-vous de Bolden, il jouait dans l'équipe offensive. Maintenant, il est en special team. Il joue quasiment qu'en special team. Et finalement, il y a une équipe qui est en train de se dessiner, une special team qui est carrément spécialisée en special team. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est impressionnant, que ce soit défensivement, même offensivement. Bon, offensivement, on connaît Gostowski, on n'en parle pas, il est toujours présent, on peut lui faire confiance, mais c'est vrai que le côté défensif de la Special Team, moi j'ai un peu de mal quand même encore avec ce Bolden des fois. Est-ce qu'il faut le garder, pas le garder, parce qu'il prend une place en termes de running back, on aurait pu en garder des fois certains. Bon, mais c'est vrai, en tout cas sur la Special Team. Mais c'est parce qu'il est il a ce niveau-là en Special Team qu'on le garde, hein. Clairement, parce qu'avec les coureurs qu'on a en ce moment, il aurait dégagé. Non Nico, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis 100% d'accord avec toi parce que pour moi, s'il n'avait pas ce rôle-là en Special Team, ça ferait longtemps qu'il ne serait plus chez nous. Voilà. On voit vraiment qu'il apporte un gros plus à la Special Teams et on a vu vraiment que ça a beaucoup travaillé sur ce domaine-là pendant l'intersaison et pendant le training camp. Et on voit que ça porte les fruits ici. Certes, les deux fumbles, c'est de très bonnes actions de la Special Team, mais aussi des grosses erreurs des Texans. Mais il faut les provoquer, les erreurs. Et c'est là qu'on voit que ça a été un gros travail. Et c'est pour moi le domaine où on a le plus progressé avec la ligne offensive. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ah oui, non, mais c'est plutôt là. C'est plutôt intéressant. Bah écoutez. Il y a juste un autre joueur sur lequel je voudrais revenir. On parle de Special Team qui joue merveilleusement bien en Special Team et qui joue quasiment que là aussi. C'est Mingo, joueur d'LSU, un linebacker qui jouait à Cleveland. Et il jouait... Ouais, c'est ça, exactement. Je vois son prénom bizarre. Lui, il est à Cleveland, il jouait de temps en temps. Alors, il n'était pas titulaire, mais il faisait des matchs en tant que linebacker. Les Patriots le prennent. Moi, le jour où il le signe, je me dis, bon, c'est bizarre, c'est un linebacker qui n'est pas terrible. Je suis étonné, au niveau linebacker, on a ce qu'il faut. En fait, mais non, c'est une patte, encore une fois, de magicien de Bill, de le prendre, mais de le faire jouer qu'en Special Team, et il joue super bien en Special Team. Donc c'est là encore un super trade, enfin un super achat, quoi. Ouais, est-ce qu'après Mingo aura pas sa chance en tant que linebacker un peu plus tard, soit dans la saison prochaine, tant qu'il se fasse au système défensif, etc., etc. C'est possible aussi, hein. Parce que peut-être, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que qu'il a bien trouvé sa place dans ce special team, et c'est assez plaisant de voir Bolden, Ebner, Slater, lui se régaler, parce qu'en plus on voit qu'ils ont vraiment de l'enthousiasme jouer là-dedans, et puis en plus ils te font deux fumbles dans ce match, donc c'est super, quoi. Ah oui, non, c'est plutôt très bien. Et nous, on va passer à la suite de l'émission, où on va se poser notamment la question de savoir où se situe le niveau des New England Patriots après ces trois matchs. Alors, les New England Patriots sont, comme vous le savez, à 3-0. Ils font partie encore des 5 équipes qui sont encore invaincues cette saison. Alors, messieurs, quel est le niveau de cette attaque? Parce qu'on a joué, pour rappel, les Dolphins, les Cards et les Texans. Mais au final, on se rend compte que sur ces 3 matchs, c'est une impression en tout cas que j'en ai qui se dégage, c'est qu'à chaque fois, quand même, les équipes ont... Eh bien, un peu un match sans. Les Dolphins, ils ont une mi-temps, ils passent au travers. Les Texans, c'est quand même très moyen, alors qu'ils auraient pu exploiter, comme on l'a dit par exemple, la défense de Logan Ryan. Les Cardinals, ça coince aussi. Alors, messieurs, après ces trois matchs, le niveau des New England Patriots, c'est quoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on tombe face à une équipe, qui maintient son niveau du début jusqu'à la fin, ça va donner quoi pour les New England? On va coincer? On va être performant? Est-ce que parce qu'on les fait déjouer? Alors, Nico, quel est ton avis sur ce niveau des Patriots après ce 3-0? Moi, franchement, tu te dis que les équipes ont été dans des off-days quand on les a affrontées. Je te rejoins sur ce point-là. Mais pour moi, s'ils ont été dans un off-day, c'est que les Patriots les auront un peu poussés à l'être aussi. La défense a toujours assuré, en tout cas, 5 périodes sur 6, parce que la deuxième période face à Miami a été catastrophique, mais vraiment, c'est à oublier, c'était vraiment affreux. Mais moi, je situerais le niveau des Patriots vraiment à un bon niveau, en plus avec le retour de Gronkowski bientôt, enfin je l'espère qu'il va pouvoir se blesser après, mais normalement, le retour de Gronkowski sous peu et le retour de Brady en semaine 5, ben, même si les équipes qu'on a affrontées n'ont pas été de leur meilleure journée, moi, je trouve ça assez rassurant et on a vraiment été bon. Et je nous situe à un très bon niveau, en tout cas parmi le top 3 de la NFL pour l'instant. Oui, parce qu'au final, les équipes ne nous attendaient pas forcément là. On se dit, oh, il y a Brady qui est suspendu. Et donc, et au final, peut-être que inconsciemment disant, ouais, New England Patriots, c'est une équipe, entre guillemets, redevenue normale. Et donc, on va jouer normalement, on ne va pas se concentrer plus parce que Brady n'est pas là et qu'ils sont prenables et tout. Et donc au final, ils sont un peu surpris et peut-être ils passent au travers. Président, quel est ton avis sur tout ça? Moi, je pense que je suis très très rassuré en fait de ce début de saison. Je pensais qu'on serait sur du 2 victoires, 2 défaites ou 3 victoires, 1 défaite à la fin de ces 4 matchs. En tout cas, j'aurais pas misé en tout cas sur un 3-0 au bout de 3 matchs, dans tous les cas. Et du coup, je suis surpris, je suis content bien sûr, mais je suis ravi de voir pour une fois, depuis de longues longues années, une équipe au New England Patriots. C'est-à-dire que c'est une équipe. Il y a toujours eu des individualités. Les années où on a gagné les Super Bowls, c'était ces individualités qui devenaient une équipe. Mais là, il y a une absence d'individualité parce qu'il n'y a pas Brady, il n'y a pas Gronkowski, il n'y a pas Deion Lewis, il manque plein de joueurs clés, et malgré ces absences, l'équipe des Patriots, c'est une équipe cette année, arrive à battre des équipes comme les Cardinals. Donc moi, je suis ultra optimiste pour la suite, si, et seulement si, Bill et son staff arrivent à incorporer les joueurs clés et les talents extrêmes à la Brady et Gronkowski dans ce collectif. S'ils y arrivent, et puis bon, on peut leur faire confiance, s'ils y arrivent, je pense qu'on est sur une année exceptionnelle, en tout cas je veux y croire. Oui, je te rejoins à 100%. sur ce sujet-là, franchement, je pense que si Brady et Gronk arrivent à s'intégrer au système, c'est quand même bizarre de dire ça, Brady et Gronk s'intégrer au mais système. Ouais, mais c'est possible. Bon. Donc, s'ils arrivent à s'intégrer, je pense qu'on va se diriger vers l'une des meilleures saisons de l'histoire des Patriots. Entièrement d'accord, je le souhaite et j'y crois. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on vous entend dire quand même d'intégrer Brady et Gronkowski quand même. Deux qui sont quand même des top joueurs NFL et on est en train de se dire, est-ce que les mecs vont pouvoir intégrer l'équipe de façon correcte? Mais c'est toujours le même problème. Regarde un mec comme Joe Montana, là je vais un peu loin pour les plus jeunes, ce sera difficile de s'en souvenir, mais vous connaissez forcément Joe Montana. Le mec, il est à San Francisco, il gagne tous les titres possibles et imaginables, il a une carrière comme Brady. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il est tradé, il est envoyé aux Chiefs de Kansas City. Et là, qu'est-ce qu'ils font les Chiefs? Ils se mettent à jouer que pour Montana. Enfin, ils donnent les rênes à Montana de l'attaque. Et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il n'a rien fait aux Chiefs. Il n'a absolument pas réussi à faire une bonne saison. Donc, voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent des équipes qui ont tout donné à un joueur et qui se sont plantées. Donc, si nous, quand Tom Brady revient, on décide de lui donner l'exclusivité, on va se planter. Ça serait super dommage de ne pas se servir de Blount, de Devlin et de cette variété de jeux qui ont réussi à instaurer Scarnecchia et sa bande. Ah mais c'est une certitude. C'est le tournant des Patriots va être entre le match 5 et le match 6, entre le retour de Tom sur le match des Browns, le match d'après qui va être beaucoup plus compliqué, qui est contre je sais plus quel est le planning, mais oui, qui va être extrêmement compliqué, qui va, les Bengals. Ça va être un tournant parce que là, il a un match tranquille pour rentrer face aux Browns, mais derrière, c'est Bengals, Steelers, et après, match de division encore, les Chiefs et les Seahawks. Le tournant, il va être là de la saison. Donc là, on a bien démarré, on est parti. On va vite savoir à moitié de saison où est-ce qu'on vraiment va se situer. Alors, moi, je te trouve sévère avec nos adversaires parce qu'en début de saison, on te dit, il n'y a pas Brady, et tu rencontres Arizona, Houston, et deux matchs de division, Miami et Buffalo, c'est pas facile. Hein. Ah non, mais je dis pas le contraire. Non. Ah mais. Tu vois, donc oui, ça sera dur derrière Cincinnati, Pittsburgh, etc. Ah non, mais ça. Mais franchement, ce début de saison, il est ah énorme. Non, mais ce que je veux dire, que ça sera dur, dans le sens où, comme tu disais, le fait d'incorporer Brady et Gronk, c'est là où ça potentiellement ça peut être plus dur. C'est là où ça peut être plus dur. Mais si tu arrives à les incorporer, ah, ça peut et faire si bien. Et je pense vraiment qu'ils ont l'intelligence de le faire parce que Brady, c'est juste un mec hyper intelligent. Donc je pense je le vois pas se tirer la couverture à lui à aucun moment. Gronk pareil parce que Gronk c'est un mec qui est vraiment pour l'équipe. Donc, je les vois pas venir foutre la pagaille dans ce système de jeu. Donc, c'est là que je suis assez optimiste. Oui, c'est pas le genre de joueurs tard qui vont aller foutre dans un effectif pour leur stat personnel. Clairement pas. Ah oui, non, mais c'est plutôt de bon augure pour la suite. Maintenant, attention, on est qu'au match 3, on ne monte pas, faut pas montrer un régime trop vite. Ça aussi, ça peut être, faut faire attention de ce c'est côté-là. C'est sûr, mais n'oublie pas qu'il y aura une chose, il y aura forcément des blessés à un moment donné, parce que dans une saison, il y a des blessés. Ah ça. Et l'an dernier, on n'en pouvait plus des blessés, quoi. Et cette année, si on en a un peu moins, imagine, on a Lewis qui revient et qui garde la forme. Imagine, il y a Blount derrière. On a un duo de coureurs monstrueux avec Devlin qui leur fait le chemin. Et on a une ligne offensive qui vient de se trouver. Si elle arrive à garder un petit peu l'équilibre, c'est à Scarnecchia de le faire. Tu rajoutes à ça des joueurs comme Edelman, Amendola, Gronkowski, Brady. Non, mais c'est énorme. On a en plus une défense qui tient la route. On peut vraiment, cette année, si on n'a pas trop de blessés, on peut complètement prétendre au titre et aller au bout. Ah oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Attention à pas s'enflammer, mais c'est pas impossible. On verra comment tout ça va se goupiller, mais c'est sûr que pour le moment, on est plutôt dans une bonne optique. En tout cas, l'objectif prochain, eh ben, c'est le prochain match des Bills, et on va en parler tout de suite. We'll be right back. match de la semaine prochaine des New England Patriots, c'est dimanche prochain à 19h et c'est un match de division face aux Bills de Buffalo et de l'équipe des frères Ryan. Alors, à l'heure à date où on enregistre ce podcast lundi soir, on ne sait pas quel QB sera à la tête de l'attaque des New England Patriots. Est-ce que ça sera Brissett qui est de retour? Est-ce que ça sera Garoppolo? Est-ce que ça sera Edelman? On ne sait pas. Est-ce que ça sera Drew Bledsoe? Est-ce que ça sera Drew Bledsoe aussi? On ne sait pas. Ou Peyton Manning? Je préférerais quand même Drew Bledsoe. Moi aussi. Vous avez vu d'ailleurs ce qu'il a dit, ce que j'ai publié sur la page, ce qu'il a dit quand il y a un journaliste qui lui a demandé s'il allait revenir ou pas. Vas-y, bah rappelle-le nous, président. Il a fait, mes bras sont en pleine forme, mais le problème c'est que le reste de mon corps, lui, il a 44 ans. Sous-entendu, déjà que j'étais pas très mobile, là je bougerais pas du tout, quoi. C'était pas vrai. Alors, c'est un match de division. Les Bills, est-ce qu'ils sont un vrai rival dans cette division? Président, quelles sont les clés du match? Alors, les clés dans ce match, ça sera la capacité qu'aura les Patriots de nouveau équilibrer son attaque entre la course, le sol et surtout si on a Garoppolo qui revient. J'y crois pas trop, hein. Je pense que ça sera Brissett. Vu quand même le choc qu'avait reçu Garoppolo, je le vois mal revenir dans ce match et je pense que ça serait un peu risqué même pour sa carrière. Donc si on a Brissett, l'équipe adverse va savoir comment on joue parce qu'ils ont étudié forcément le match qui vient de passer. Il va falloir trouver un nouvel équilibre et ça, je pense que ça ne va pas forcément être évident. Donc pour moi, ça sera ma première clé. Quelle sera la tienne, Nico? Moi, ce sera plus au niveau de la défense, réussir à canaliser la défense, l'attaque des Bills, et en particulier Tyrod Taylor à la course. Certes, il est moins bon que l'année dernière, enfin, parce qu'on commence à connaître un peu son style de jeu, mais contre les Cardinals, il n'a pas été mauvais. Il a été chercher de bonnes courses. Quand tu vois qu'il va chercher 8,4 yards par course, c'est quand même une bonne moyenne. Et il a à nouveau inscrit aussi à touchdown dans la course sur une longue course. Donc, pour moi, ça va être réussir à limiter Tyrod Taylor. Et si on arrive à faire ça, mais aussi LeSean McCoy, parce que lui, c'est aussi un danger assez important quand on voit qu'en courrier, il a encore fait beaucoup de mal à la défense des Cards. Donc, si on arrive à cadenasser ces deux-là, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de soucis à s'imposer. Oui, bah évidemment. Après, on citera évidemment à chaque fois la Special Team, qui on espère sera encore évidemment performante. Attention au niveau des turnovers, parce que mine de rien, c'est Bills, à chaque fois ils sortent avec une démarche à une trentaine de points, donc ils sont quand même assez efficaces. Faut faire attention à tout ça. Évidemment, on ne parlera évidemment oui. Jamais assez de nos corners, et notamment de la défense aussi, sur Sammy Watkins. Bah, vas-y, présent, je te laisse parler de ton chouchou. Non, vas-y, continue, tu faisais ça bien. Alors évidemment, la défense sur les receveurs, notamment sur Sammy Watkins, qu'il va falloir museler, même si en ce début de saison, il est plutôt sur la. Enfin, coup-ci, coup-ça, mais il ne faudra vraiment pas le remettre dans le rythme. Évidemment, la défense, comme vous l'avez dit, sur le jeu de course. Et puis trouver effectivement cette alternance, ou peut-être. Bah, et tiens Watkins qui est blessé, je crois. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est important. Oui, Watkins, c'est blessé. Voilà, il est blessé. Donc ça sera peut-être plus sur Goodwin ou Woods qu'il faudra défendre. Oui, et puis bon, être performant au sol, et ça sera peut-être face à une équipe de Bills, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué que face à des Texans. Donc ça va être encore il va falloir faire un niveau supérieur à cette ligne offensive, et puis ben, continuer sur la progression de ce que l'on a vu ces trois derniers matchs dans ce début de saison. Président, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot sur cette preview avant qu'on passe au prono. Non, je pense qu'il y a aussi. Donc bon, moi, j'aurais mis aussi le corps de linebacker qui, à mon avis, auront beaucoup à faire dans cette rencontre. Et encore une fois, la ligne offensive, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans ce match, surtout si c'est Brissett qui est une nouvelle fois titulaire. Oui, donc on va bien voir ce que ça va donner. Puis tiens, j'en profite pour glisser une petite info pour ceux qui ne sont pas encore au courant. L'arrivée de John Hughes à la place d'André Johnson, un defensive tackle. Et Bills qui a donné une interview. C'est un joueur qui a une bonne expérience, qui s'est bien plaqué. et qui est relativement jeune. Donc on verra peut-être, que on le verra jouer sur ce match face aux Bills. Et avant de terminer cette émission, place au pronostic. Alors on va laisser la parole au petit nouveau à Nicolas. Alors ton pronostic pour ce match des Bills. Alors pour ma première, je pourrais pas miser une défaite, c'est déjà pas possible normalement. Mais si je fais un peu le point positif, enfin les points forts et les points faibles, je vais quand même miser sur la victoire des Patriots. Pas de beaucoup, je pense qu'on va terminer vers un match à, enfin pour réfléchir, 21-14, je pense, et, que Blount va de nouveau faire un gros match face à la défense des Bills et que Brissett va faire le taf pour la dernière fois de la saison, on l'espère. Et pour moi, ça risque d'être une victoire pour bien compléter la boucle avant le retour de Tom. Alors, il nous avait marqué pendant ce podcast le président et ses légendaires pronos. Alors, président, ton pronostic. Écoute, je vais te régaler encore une fois. J'ai deux pronostics. Oh bah c'est tout, c'est plus simple. Je commence à en faire plusieurs. Non, c'est pas ça. C'est que si Brissette joue, je mise sur un 27-14 pour les Patriots. Je nous vois gagner, mais pas d'un grand écart, enfin 27-14, ça c'est assez honorable, mais c'est pas non plus une correction. Par contre, si Garoppolo est en pleine forme, ça sera ma surprise, je serai surpris, mais je miserai sur une victoire plus large de 32-10. Voilà, donc ça dépend juste du QB. Dans tous les cas, je mise sur une victoire des Patriots avec Rex Ryan et son frère qui font la moue à la fin quand il faut serrer la main de Bill. et si c'est Edelman qui est QB, tu fais quoi comme score? Vu que c'est la dernière fois qu'un numéro 11 a été QB aux Patriots, c'était Drew. Déjà, j'enfilerai mon maillot de Drew Bledsoe par-dessus le maillot d'Edelman, et là, je mise sur un 60-5. Avec un safety 3 et 2. Mais ça peut, le pire, c'est que je suis persuadé que ça peut rendre fou les frères Ryan si Edelman est quarterback. C'est clair. Position wildcard, mais comment on défend, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on n'en est pas encore là, on sera peut-être là. La surprise dimanche soir. Bah, et après, quand t'as... Bon, et toi, ton pronostic? Moi, quant à moi, je pense qu'effectivement, les Patriots devraient gagner ce match, mais sur un score serré, mais un score assez haut. Moi, je le vois bien sur un 34-31 pour les Patriots. Parce que les Bills, scorent mine de rien beaucoup, même si c'est pas hyper flamboyé qu'en attaque, c'est moche. Littéralement, on va pas se le cacher. Ils sont efficaces. Attends, en attaque, à la passe notamment, leur QB, ils sont derniers de la ligue. Ouais, et pourtant ils sortent encore là, les cards, ils ont encore mis une trentaine de points, je crois. Donc, ils en ont mis 33, là, donc je pense que de ce côté-là, c'est pour ça que je pense que le score va être assez haut. Après, justement, peut-être qu'avec un Brissette, on va avoir une autre facette qu'on n'a pas l'habitude, un peu plus de passes. Certes courte, mais un peu plus de passes, plus rythmées, justement pour créer cette alternance par rapport à jouer de la même façon qu'on a joué face aux Texans, parce que sinon Blount il va se faire attendre en tournant, hein, évidemment. Donc après ça va être intéressant de voir ça. On espère quand même une victoire, espérons-le assez tranquille, ça nous ferait du bien qu'on continue surtout à progresser, qu'on voit une ligne offensive performante, et puis on verra. Et puis on verra dimanche soir. En tout cas, merci messieurs d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé à cette émission. Merci président et merci Nico pour ta première. Merci à Nico d'avoir été là. C'était un plaisir. Et puis merci Cédric d'animer aussi bien ce podcast. C'est très très bon. Merci beaucoup président. Alors Nico, tiens, on en profite. Qu'est-ce que tu as pensé cette première? Franchement, très agréable. J'espère revenir bientôt. C'était vraiment une super bonne expérience et... j'espère revenir le plus vite possible. Super, je reviendrai, t'inquiète. Super, t'inquiète pas, avec plaisir. Moi, il vous reste à vous dire que n'hésitez pas à nous suivre sur le Facebook du Fan Club des New England Patriots, sur Twitter, @FCFNEP, à venir réagir dans les commentaires de l'émission, à réagir sur Twitter, sur Facebook, à réagir aussi sur le forum du Fan Club. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL, un bon match pour New England Patriots. Et n'oubliez pas, le Fan Club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir à tous. key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Smile on your face, but you're bleeding from the inside out, and you'll never say what it's about. But I know, yeah, I know, yeah, I know that it's a lie that you never told me. I guess you sold me all the same. Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you and I. I wanna go blind. Inside.